بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره مكتفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا أمس بعض الأدلة التي تدل على أن لا إله إلا الله لها شروط وذكرنا من ذلك بعض الأدلة وشرحنا كذلك بعض الأدلة on a expliqué certaines des preuves qui montrent que la ilaha illallah a des choses qu'on a pu voir précédemment. Donc dans le cours hier on a pu voir les preuves qui appuient quelles sont des conditions. On a pu voir adillat al-ilm wal yaqin wal ikhlas wal sidq et al muhabbala. On a pu voir les quatre premiers: al-ilm, al-yaqin, الإخلاص والصدق. ensuite c'est دليل المحبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى قال ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فذكرها هنا رحمه الله تعالى دليلا واضحا يدل على شرطية المحبة في كلمة توحيد وأن من نطق بها لابد أن يكون muhibban lima dallat alayhi wa muhibban li ahliha. Un dalil qui nous montre que la mahabba c'est une condition de la ilaha illallah. Et ce dalil là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada. Et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah azza wa jal des andas, c'est-à-dire des égaux fil ibada. Qala yuhibbunahum ki hubbillah. Donc ils ont voué un amour à ces andad qui sont des aliha, des divinités qui sont adorées bil batil, dans le vin. Ils leur ont voué, même ils ont voué un amour en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont aimé ces andad d'une mahabba qui est shirkiya, d'une mahabba qui est shirkiya. Fadalla ala anna al-mahabba labbu dan takuna lillahi azza wa jal. Qala wal-ladhina amanu ashad hubban lillah. Et ceux qui croient ont beaucoup plus d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont une divergence par rapport à la fin du verset. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Qu'est-ce qui est voulu par cela? Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont cru, les croyants ont plus d'amour que il y en a pour Allah subhanahu wa ta'ala que l'on, ces mushrikouna, pour leur divinité? Ça c'est un des tafsirs. Il y en a hawala, yuhibbouna al-andal, ils aiment la divinité en dehors d'Allah azza wa jal. والموحدون المؤمنون يحبون الله عز وجل. لكن محبة المؤمنين, l'amour des croyants est beaucoup plus grand que l'amour que ont ces mushrikoun pour leur divinité. Ou certains ont dit والذين آمنوا أشد حبا لله, et المشركون يعبدون الله عز وجل, يحبون الله ويحبون غيره, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala et ils aiment كذلك des divinités en dehors d'Allah عز وجل. فوزعوا, yani ils ont distribué leur amour, yani ils l'ont partagé entre Allah subhanahu wa ta'ala et leur divinité. C'est un amour qui n'est pas khalis, c'est un amour qui n'est pas sincère et qui n'est pas pur, yani qui est mélangé. Et amma alladhina amanu hum ashad hubban lillah. Pourquoi? Parce que leur amour il est pour Allah subhanahu wa ta'ala, yani entièrement leur amour est pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas partagé entre cela et cela. C'est pour ça que l'amour des croyants pour Allah azza wa jal, il est beaucoup plus grand que l'amour des mouchriks pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que leur amour, il est quoi? Il est naqis. Il n'est pas complet. Il est divisé. Il est partagé entre les divinités, entre Allah azza wa jalla. Donc deux tafsirs par rapport à cette ayah-là. Wa shahid ha'ona, c'est que al-mahabba, ça fait partie des conditions de al-ibada, de l'iman billahi azza wa jalla. Wa alladhina amanu ashad hubba lillah. Qala wa qawluhu subhanahu wa ta'ala yayyuhal ladhina amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه الآية كذلك دلالة واضحة على برتلوفيك, يعني على صفة المؤمنين حقا, كي مونتر يعني لي كاركتيرستيك لي كاليفيكاتيف des véritables croyants. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui avez cru, من يرتد منكم, ceux qui reviennent sur leur pas après l'iman, c'est-à-dire الردّة, ceux qui apostasient, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. Si jamais c'est le cas, et si jamais vous revenez sur votre religion, Allah subhanahu wa ta'ala va vous remplacer par un peuple dont Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Tam. قَالَ وَيَحِبُّونَهُ Et eux, كَذَلِكَ aimeront Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ الْعُلَمَا وَهَذَا هُوَ أَجَلُّ النِّعَمِ C'est la plus grande ni'ma. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ Dont Allah subhanahu wa ta'ala, il va aimer. فَمَحَبَّةُ اللَّهِ عَزَ وَجَلِ لِلْعَبْدِ هَذِهِ هِيَ أَعْظَمَ النِّعَمِ C'est le plus grand des bienfaits. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, عَبَدَهُ يُوَفِّقُهُ S'il aime son serviteur, il va lui donner une réussite. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي عند الإمام البخاري رحمه الله أن نبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب celui qui montre de l'hostilité à un de mes alliés je lui ai certes annoncé la guerre قال وما تقرب إلي العبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه et parmi les choses dont Allah عز وجل aime Il y en a les choses qui sont les plus aimées auprès de lui, c'est les choses dont on se rapproche de lui parmi les obligations. قال ولا يزال العبد يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. Et le serviteur, s'il n'a de cesse de se rapprocher de moi avec les œuvres surérogatoires, je vais l'aimer. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Et à partir du moment où je vais l'aimer, je serai son nuit avec laquelle il entend et la vue avec laquelle il voit et la main avec laquelle il touche et ce serait son pied et s'il me demande je vais lui donner je vais l'exaucer si jamais il me demande. فهذا الحديث il nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il montre les fruits de la mahabba que quand Allah azza wa jal il aime un serviteur yuwaffiquhu lorsqu'il dit je serai sa vue je serai son nuit je serai sa main et son pied bima'na zalika je vais lui donner la réussite je vais lui donner et je serai avec lui je vais l'accompagner c'est-à-dire que je vais lui donner la réussite Lorsqu'il va regarder vers une chose, il va le regarder dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il va toucher une chose, ça sera dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il va se diriger vers une chose, ça sera kadhalika dans l'agrément d'Allah. Lorsqu'il va écouter une chose, ça sera dans l'agrément d'Allah. Et sa vie sera entièrement dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le fruit de la mahabba. Yana qala fa idha ahbabtuhu, je serai ceci et cela. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, yuwaffiquhu fi kulli shan min shu'unihi. Fi kulli shan min shu'unihi. Dans toutes ses affaires. Allah Azza wa Jal, il va lui donner la réussite dans toutes ses affaires. وَكَذَلَكَ سَيَضَعْ لَهُ الْقَبُولِ Il sera agréé, les gens vont l'accepter, il sera agréé, sera aimé auprès de salihin. كَمَا جَا فِي الْحَدِيثِ يعني في مسلم ومتفقن عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ عَبَدًا نَادَ جِبْرِيلِ Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il aime un de ses serviteurs, il appelle Jibril. فَيَقُولْ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانٍ J'aime, yani un tel. فأحبه, donc tu dois l'aimer. فيحبه جبريل, et Jibril va l'aimer. ثم ينادي جبريل في السماء, et Jibril se met à appeler les gens du sama. إن الله يحب فلان فأحبه. Allah عز وجل aime un tel. Donc vous devez l'aimer. قال فيحبه أهل السماء. ثم توضع له القبول في الأرض. Et ensuite on va lui donner l'approbation sur la terre. Yani les gens vont l'aimer. Donc Allah عز وجل lorsqu'il l'aime, un peuple ou bien une personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne la réussite, et kadhalika, il lui donne l'approbation. Yani, عند الصالحين. L'approbation عند الصالحين. Al-ibara, c'est le salihin. Amma, si jamais al-fujjar, al-kuffar, ils l'aiment pas, ça c'est normal. Ça c'est normal. Lakin, al-salihun, su yuhibbunahu. Ils vont l'aimer. Lian Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu. Hada min thamarati, mahabbatillahi azza wa jalla al-abd. Ça c'est là, certains des fruits que les ulama, ils ont évoqués. En déduction de ces preuves-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime quelqu'un, ça fait partie des plus grandes ni'am. Min ajal al-ni'am. Et le plus grand des fruits, c'est quoi? At-tawfiq. An Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiquhu. Fidhalika qala al-ulama, laysa shan annaka tuhibba Allah. Walakin ash-shanu annaka tuhab. Et an Allah azza wa jal yuhibbuk. Yani la véritable affaire, c'est pas que tu aimes Allah azza wa jal. C'est pas ça, yani, qui est véritablement la réussite. Lakin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un. Parce que certains prétendent aimer Allah azza wa jalla, lakin, il ne le suit pas. Il ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanahu wa ta'ala, wa qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Si véritablement vous prétendez aimer Allah azza wa jalla, donc vous devez suivre yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui disent on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fête son anniversaire. Alors que c'est une bid'a. Il y en a qui disent on aime ceci et cela, mais il le désobéit. C'est une mahabba qui est muddaha, c'est une mahabba qui est prétendue. Parce que la véritable mahabba, elle donne fruit à des œuvres, il doit être mu'afiq en conformité avec l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fadaïka qala, al-ulama laysa shan annaka tuhib, walakin shan an tuhab. Wastadallu bidalika biqala subhanahu wa ta'ala, waqalat al-yahud, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Mais ils ont prétendu qu'ils étaient les enfants d'Allah et c'est bien aimé. Faqala, qul falima yuhadhibukum bidhunubikum. Si jamais c'était le cas, pourquoi ils vous châtient? Il n'y en a pas vos péchés. Ils ont dit, haoula, al-yahoud, ou al-nasara, ils ont prétendu aimer Allah et Azzawajal, lakin Allah subhanahu wa ta'ala les aime pas. Donc, yani, al-ibara, ce qui est considéré, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. À partir du moment qu'il t'aime, yani, comme dans le hadith, il te donne la réussite. Fahada min ajal al-ni'am, an Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuk. قال ويحبونه كذلك يحبون الله سبحانه وتعالى لأن من ثمرة الإيمان بالله عز وجل محبته. celui qui a foi en Allah عز وجل, celui qui a testé qu'Allah سبحانه وتعالى mérite l'adoration exclusivement, il se doit de l'aimer. كما أبانها هنا. C'est pour ça qu'ils ont dit que le mahabba c'est une condition. Parce que هؤلاء c'est ceux qui sont venus avec la véritable iman. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم. Ça c'est ceux qui ont apostasié. Ensuite il a décrit les qualificatifs de ceux qui sont véritablement des croyants et ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. فَقَالَ يُحِبُّونَهُ أَيْ يُوَحِدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Parce que si Allah عز وجل il les aime, forcément c'est que c'est des mouwahid. لأن الله عز وجل يقول وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Il n'agrée pas pour ses serviteurs le kufr, la mécréance. Donc il ne peut pas agréer quelqu'un qui est kafir. Donc si jamais il l'aime, c'est qu'il a agréé un peuple qui est quoi? Mu'min qui est mouwahid. بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَيْ يُوَحِدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. وثمرة هذا التوحيد أنهم يحبون الله إذا ما الله سبحانه وتعالى قال أذلة على المؤمنين أذلة بمعنى متواضعين ils sont modestes avec les mu'minin. Ils sont doux avec les mu'min. Ils patientent avec les mu'min. Parce que c'est leur frère. Il y en a يحب لنفسه ما يحب لأخي كما جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. Votre foi ne sera complète que lorsque vous allez aimer pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. Azillatin ala al-mu'minin. Qala a'izzatin ala al-kafirin. Et dur envers les mécréants. Comme qala subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha an-nabi yujahid al-kuffar wal-munafiqin waghluz 'alayhim. Et sois dur avec eux, avec les kuffar et les munafiqs. Wa qala subhanahu wa ta'ala Muhammad ar-rasulullah wal ladhina ma'ahu ashidda 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Adil aya kadhalika, c'est un peu la même. Elle est synonyme. Muhammad ar-rasulullah, le prophète c'est le Muhammad c'est l'envoyé d'Allah azza wa jalla, le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les kuffar. قَالَ وَرُحَمَّا وَبَيْنَهُمْ. Et entre eux, ils sont doux, ils sont miséricordieux, ils sont cléments. فَهَذَا يَنِي مِنْ صِفَةَ الْإِيمَانِ مِنْ صِفَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَهَذَا يُسَمَّى الْوَلَى وَالْبَرَى. Al-wala, comme on a pu voir, c'est le mahabba. Lorsque tu aimes ton frère, tu es doux avec lui, tu patientes avec lui, al-akhirihi. Et al-bara, c'est, comme on a pu voir, c'est al-asr, c'est la haine, c'est l'hostilité. Donc on ne peut pas être ami avec ceux qui sont des kuffars, il y en a qui ont le kuffar, il y en a dans le filqalb. Lakin, comme on a pu voir, on est dur avec eux, lakin, ça n'empêche pas d'être bon. Il faut faire le al-jam'u baynahuma. L'un peut aller avec l'autre. Quand la yujahiduna fi sabilillah, c'est le cas. Min thamarati hadhihi al-mahabba, wa min thamarati mahabbati Allah lahum, annahum yujahiduna fi sabilillah. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Et ça c'est am, yani lorsque al-jihad fi sabilillah il est évoqué, généralement c'est pour le combat, yani bis-sayf ou bis-silah, tamam. Lakin ça englobe kadhalika anwa' al-jihad al-arba'a. Al-jihad c'est arba'atu ashya' kama dhakara al-imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zad al-Ma'ad fi ma adhkur. Il est évoqué que al-jihad il a ala arba' maratib. Et le plus grand des jihad c'est le jihad al-nafs. C'est le fait de combattre son âme. Al-ammaratu bis-su'. Ça c'est le plus grand des jihad. Et les gens oublient cela. Lorsqu'on dit yujahiduna fi sabilillah, ça rentre dans cela le fait de combattre son âme, afin de la faire patienter dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, et afin de faire tous les asbab pour qu'elle ne tombe pas dans marsiyatillah Azza wa Jal. Et كذلك يفعل الأسباب pour que au jour yani jour après jour elle accumule la science. Et كذلك à l'œuvre. Ça c'est le plus grand des jihad. Ça c'est le plus grand des jihad. حتى قال الشيخ ابن القيم رحمه الله il dit c'est impossible de pouvoir concevoir yani un mujahid fi sabilillah qui a pas jahad nafsahu. C'est impossible de concevoir quelqu'un qui va faire le combat fi sabilillah et qui n'a pas combattu sa propre personne. Yani le combat fi sabilillah avec bisselah c'est basé sur le combat de son âme. Celui qui combat son âme, naham, inshallah, il sera prêt pour le combat fisabilillah lorsque sera l'heure et lorsque l'imam l'aura décidé. Lakin, celui qui ne fait pas cela, tu le vois dans ma'siyatillah et l'akhirihi, peut-être qu'il va combattre. Lakin, est-ce que c'est fisabilillah? Est-ce qu'il est sincère? Et l'akhirihi, ça c'est une autre chose. C'est pour ça qu'on dit, on pense inshallah qu'il est martyr. On espère qu'il est martyr. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans les cœurs qui ne sont pas divulguées. Naham. Fahada, c'est le premier jihad. Jihad al-nafs. Combattre sa personne, son âme. Wa al-thani, jihad al-shaytan. Le fait de combattre Shaitan, Shaitan, كذلك كما قال سبحانه وتعالى سأعدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Shaitan c'est un ennemi déclaré, فاتخذوه عدوا. Comment on combat le Shaitan? Est-ce que c'est avec des silahs? Là, ce Shaitan là, كما قال سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. Il vous voit lui et sa tribu, mais vous ne le voyez pas. Donc ce combat là, il est quoi? Il est ma'anawi. Il est ma'anawi, c'est-à-dire que c'est avec pareil بالإيمان يعني بالتقوى وبالصبر. بالتقوى تمام وكذلك بالصبر والجهاد الثالث جهاد المنافقين كما قال سبحانه وتعالى جاهد الكفار والمنافقين تمام comment nous jahid المنافق المنافق c'est la personne qui a dit la ilaha illallah yani qui a mis en apparence la foi تمام يعني d'apparence c'est un mu'min donc si elle met d'apparence un mu'min on peut pas se permettre de le combattre la yajuz on peut pas se permettre de le tuer la yajuz comment on fait ce jihad là c'est jihad يعني بالقلم كما قال العلماء jihad باللسان المنافق نجاهدهم باللسان parce que le munafiq il a des alam il a des signes qui montrent يعني qu'il n'est pas sur la et qu'il n'est pas ferme sur la foi il y a des signes le mensonge la trahison et l'akhirih يعني il a évoqué يعني les quatre يعني caractéristiques qui sont propres au munafiq le mensonge la trahison même le fait qu'ils ne tiennent pas leurs paroles la traîtrise et l'akhirih. Enfin, ils ont des alamat et des œuvres qui montrent qu'il y en a que ils sont pas sur l'iman. Ou Allah Azza wa Jalla, كذلك في سورة التوبة فضحهم il a divulgué leurs caractéristiques. Donc nous on combat ce genre de jihad يعني qui est nifaq بيش بالقلم باللسان جهاد باللسان جهاد باللسان وبالقلم بالردود كذلك أهل البدع وأهل المعاصي هذا كذلك سان جهاد من رأى منكم منكرا فيغير ça c'est le jihad يعني de ceux qui d'apparence sont avec l'islam on doit les combattre avec le stylo avec al-lisan et si on peut on repousse avec la main لكن sans qu'il y ait de aziyah sans qu'il y ait de on lui fasse du tort والرابع c'est le jihad الكفار والمقتدين وهولا c'est بي السلاح لكن لها شروط الجهاد c'est une ibadah et une ibadah يعني dans l'islam elle n'est pas dépourvue de شروط elle a des conditions. Et jihad kazalika, elle a des conditions. Et parmi les grandes conditions, c'est que ce jihad-là doit être fait derrière un imam. Derrière un imam qui est reconnu auprès des musulmans. Naham. Qala wa la yakhafuna lawmata la'im. L'autre caractéristique, c'est que c'est hawla al-mu'minun al-mu'hiduna haqqa la yakhafuna lawmata la'im. Et c'est-à-dire que lorsqu'ils font al-amr bil ma'ruf wa nahya an al-munkar, ils ne prennent pas en considération leurs reproches des gens. Les gens vont leur reprocher des choses, c'est clair et net. Celui qui yad'u ila Allah Azza wa Jal, il va trouver devant lui des gens qui seront hostiles. Comme قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Et c'est ainsi que nous avons placé pour chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Donc il va trouver des gens sur sa route qui ne seront pas d'accord, qui vont lui barrer la route, qui vont le retarder, qui vont l'embêter. Qui vont le réfuter, qui vont l'insulter. Qalu fi nabi sallam sahir, c'est un sorcier. Majnun, il est possédé. Sha'ir, c'est un poète. Kadhab, c'est un menteur. Yani, ils l'ont insulté de tous les noms. Fa alladhi yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il patiente. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haqq, ça c'est une nasiha, wa tawasaw bis sabr. Qala was sabru ala al adafi. Parce qu'il a dit, yajib alayna ta'allum arba'a masail. Qala al awwal al ilm. قال ثم إيش الثاني العمل قال الثالث الدعوة إليه الدعوة إلى العلم والعمل ثم قال والصبر عليه الصبر على الدعوة tu ne dois pas sonter sur la da'wah d'Allah Azzawajal. Comme a dit Waraqat ibn Nawfal, le Nabi sallam lorsqu'il est devenu prophète. فقال يا ليتني جزعا إذ يخرجوك قومك. Oh, je souhaiterais être yani, parmi toi et pouvoir te défendre lorsque ton peuple va t'expulser. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été étonné. قال ومخرجيهم. Est-ce qu'ils vont m'expulser yani, qu'est-ce que j'ai fait yani, je fais qu'appeler à adorer Allah Azza wa Jalla. C'est pas un crime ça. Pourquoi ils vont m'expulser? قال لا يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. Il n'y a de personne qui est venu avec la da'wah dont tu vas appeler sans que son peuple lui a comment ça s'appelle montré de l'hostilité. Pour ça qu'ils disent wala yakhafuna fillah yani la wala yakhafuna law matalaim. La yakhafuna law matalaim. Kana Umar ibn Khattab yaqul ma taraka li al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an munkar sadiqan. Le amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an munkar il m'a pris tous mes amis. Yani qui ne sont pas véritablement des amis yani. Parce que ton ami, si jamais tu lui fais yani an-nasiha, il va accepter, tu vois. Il va savoir que tu lui veux du bien. Lakin les personnes qui ont du kibr, lorsque tu vas leur faire an-nasiha, khalas, ils s'écartent de toi. Yani pour dire qu'il a tellement fait, il a tellement répondu à cette œuvre qui est Jalil, qui est illustre, qui est le amr bil ma'ruf wa nahy 'an munkar, que les gens se sont écartés de lui. Yani que il y a plus d'amis comme elle a dit. J'ai plus d'amis. Mes amis sont tous partis. Yani et il reste autour de lui que les véritables amis. Parce que, fil haqiqa, comme a dit, yani, كذلك عمر, yani, il y a un athar qui venait de lui qui disait, rahimahullah, rajulan ahda ilayya uyubi. Qu'Allah, azza wa jal, fasse miséricorde à une personne qui m'a montré mon défaut. C'est comme ça qu'on doit être. Là, qu'il y a des personnes que lorsque tu lui montres leur défaut, ou lorsque tu lui montres une erreur, toi tu veux le nasiha pour lui. Il croit que toi tu veux le dénigrer, ou bien l'insulter, ou bien l'humilier en public. T'as ils le prennent mal, ça c'est le kibr yani, qui a fait nafs. Yani, il se voit yani, très haut. T'as il se voit très haut. Il se juge yani, d'une personne qui ne l'est pas. Et ça c'est un problème. Lakin, nous, là, nous balayons. C'est pas notre problème. Parce que ça c'est une ibada. Et quoi qu'il en soit, et quoi qu'il sera dit, il faut patienter et espérer le adr indallahi azza wa jal. Si jamais la personne à qui tu fais le nasiha, il accepte, alhamdoulilah, tu auras guidé une personne et tu auras la récompense. Et tu auras la récompense de ceux qui ont œuvré de cette nasiha. Et si jamais il n'accepte pas, alhamdoulilah, qu'est-ce que tu as fait? Iqamatul hujja. Tu as établi la preuve sur lui. C'est-à-dire que l'un, il ne peut plus dire je suis jahil, j'ignorais. Tu as fait ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a demandé. Donc alhamdoulilah, quoi qu'il en soit, yani al-insan, il est content. Comme ceux qui font le nasiha, alhamdoulilah, il est content parce qu'il aura son ajr auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ça nous aide à patienter. Parce que des fois, tu vois, la personne, il débat, il a khirihit, hein, ou tu vois qu'il n'accepte pas, alhamdoulilah, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, toi tu te dis, moi j'ai fait ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a demandé. Et là, j'ai un ajr. C'est comme si on m'avait donné un salaire. Donc, alhamdoulilah, j'ai fait mon boulot, comme on dit. Fa idhan lah, yakhafu fillah law matalaim. Kana, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, جاء في الحديث يعني حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم هبة الناس أن يقول الحق إذا رأه. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم que comment s'appelle la prestance de certaines personnes ne vous empêche pas de dire la vérité lorsque vous la voyez. Il y a des personnes qui ont des hauts statuts, les présidents, les ministres, des fois يعني la personne n'ose pas lui dire les choses en face, son père ou bien sa mère et tout ça. Quelqu'un qui a un ma'ruf sur lui, qui lui donne qui l'aide en effet de dunya. Des fois, cette aide-là ou bien le statut de cette personne-là fait que des fois, il n'ose pas lui dire la vérité ou bien il n'ose pas lui faire nasiha. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هِبَةُ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ إِذَا رَأَهُ. Que la prestance des personnes ou bien leur statut ne vous empêche pas de dire la vérité lorsque vous la voyez. فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ. Abu Sa'id s'est mis à pleurer énormément. Faqala subhanallah ra'ayna ashiya fahibna. On a vu des choses et on a redouté de faire nasiha. Tam. Fa al-insan la yakhaf fillah law matalaim. Lorsqu'il voit le munkar, il le change lakin bi hikma. Parce qu'on dit la yakhaf law matalaim, la budda min al-hikma. Tam. La budda min al-hikma lakin la budda annahu yuslih an-nas. Il faut qu'il essaie d'arranger la situation des gens. Et si jamais il ne peut pas, au moins, il faut qu'il fasse l'istighfar. Et yani, il voit le péché devant lui, yastaghfir Allah Azza wa Jalla. Lorsque la personne a vu le péché, il se doit de le changer. Man ra'a minkum munkara falyughayyir. Il faut qu'il le change. Si jamais il n'a pas la capacité, il reste le inkar bil qalb. Il doit avoir un inkar bil qalb. Et il doit voir qu'il a l'istighfar parce qu'il n'a pas fait يعني ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire de changer ce munkar-là. Parce qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, هذا أضعف الإيمان, celui qui fait inkar bil qalb. Ça montre que c'est une marsiya. Ça montre qu'une marsiya. Lakin, il n'agrée pas cette désobéissance. Lakin, il n'a pas changé. Et on lui a demandé de changer. Et le fait qu'il n'a pas changé, c'est un péché. Donc il doit faire l'istighfar. Si jamais il n'arrive pas à faire l'islah, baqiya l'istighfar fi nafsihi. Lorsqu'il voit le munkar, la bouda yastaghfir. Wa nahnu al-an, fi hadha az-zaman, notre langue, elle doit dire astaghfirullah kathiran. Astaghfirullah kathiran. Li'anna an-nas fi ash-shari' hadith wa la haraj 'an al-mahasi. Et kadhalika ad-daf qu'on a par rapport au fait qu'on ne change pas le munkar, tellement qu'il est devenu coutumier, tellement qu'il est devenu normal. C'est tellement, il y en a tellement tous les jours que c'est presque devenu quotidien, c'est presque devenu normal. Donc on oublie de faire l'istighfar. Et ça, c'est un thème du muhim. Il faut faire l'istighfar jiddan, parce que le fait de ne pas faire l'istighfar, ça peut être un sabab qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous anéantit. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرَانَ. قال Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayah, qui nous montre, l'importance de faire l'istighfar lorsqu'on voit les péchés et qu'on les change pas. فقال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit de châtier ta communauté tant que tu seras parmi eux. C'est-à-dire lorsque Nabi Sallam va mourir, là Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais il voit qu'il faut les châtier, il va châtier sa communauté, un des châtiments avec les sangs fit dunya. قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit de les châtier tant qu'ils feront de l'istighfar. Tant qu'ils feront l'istighfar. C'est-à-dire que si jamais on ne fait plus l'istighfar, ni on change le munkar, et ni kadhalika fin l'istighfar, fahada c'est un sabab bien pour qu'Allah azza wa jal nous anéantit. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. نعم. فالاستغفار c'est مهم جدا. والواجب c'est de faire l'islah. C'est de faire l'islah. De changer les choses. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شيء مهم جدا يحبه سبحانه وتعالى حتى ils ont évoqué certains علماء que si jamais il y avait un sixième pilier dans l'islam, ça aurait été celui-là. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم. الشاهد c'est qu'Allah سبحانه وتعالى a évoqué que si jamais un peuple venait à apostasier et se retourner, délaisser leur religion, Allah سبحانه وتعالى va faire venir un peuple dont Allah aime. Et s'ils aiment, c'est-à-dire qu'ils sont mouahid. Et eux aiment aussi kazalika Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que at-tawhid, il est mabni ala al-mahabba. Il est mabni ala al-mahabba. Fait celui qui dit la ilaha illallah, c'est obligé qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime ce que indique cette kalimat-là. Il aime kazalika les gens qui se sont conformés à cette kalimat-là. Naham. Qala wa minas sunnati ma thabata fi sahih. Yani fi muttafaqun alayhi. قال ما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث جليل وحديث عظيم. C'est un grand حديث. حديث أنس بن مالك متفق عليه عند البخاري ومسلم dans lequel النبي صلى الله عليه وسلم nous montre que المحبة ça fait partie de شروط لا إله الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Il va على النبي صلى الله عليه وسلم il va évoquer trois choses. Si jamais ils sont trouvés chez le muslim, il va trouver le délice de la foi, la saveur de la foi, حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان بمعنى c'est la chose qui va التلذذ بطاعه. Il va trouver un plaisir à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ أَيَ صَلَىٰ إِلَّا هَلَ الْخَاشِعِينَ. C'est une chose qui est lourde. Pour qui? قَالَ excepté pour ceux qui ne... Non, plutôt il a dit, c'est une chose qui est lourde, excepté pour ceux qui sont, qui font preuve d'humilité dans la prière. فَأَصَلَىٰ. Celui qui n'a pas d'humilité dans sa prière, il ne le fait pas بِالتَّوَادُعُ, par modestie pour Allah subhanahu wa ta'ala, par abaissement, par تَعْظِيم d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va trouver la prière qui va être quoi? Lourde. Il a fait bila mahabba. Elle va être lourde pour lui. Kama tafhal al-munafiqun. Al-munafiqun, comme il dit subhanahu wa ta'ala, inna al-munafiqina yukhadi'un Allah wa rasoulahu. Wa idha qamu ila salati, qamu kusala. Lorsqu'ils se lèvent, pour faire la prière, ils la font avec finantisme. Ils sont feignants. Ils la font comme si jamais c'était une tâche. C'est lourd pour eux. Fa halawat al-iman. yani va dispenser dans les cœurs yani que la prière ou bien toutes les ibadas vont être légères. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Fa halawat al-iman c'est talazzuz bi ta'atillah. C'est avoir yani un amour yani se yani profiter de ces ibadas là. Yatamatta fihi il apprécie lorsqu'il adore Allah azza wa jalla, pour lui c'est pas une tâche lakin c'est un plaisir. Il fait ça avec plaisir, c'est léger. Fa comment trouver cette légèreté là dans l'ibada? Wa kadhalika halawat al-iman bima'na annahu yatahammal al-mashaq. Yani il patiente sur la dureté. Il patiente sur bartlofik yani al-masa'ib. Il patiente yani sur les difficultés, sur les masa'ib, je sais plus comment traduire ça, masa'ib. Yani les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète sur lui. Comme yani un décès d'une personne yani qu'il aime, ou bien que sa maison a brûlé, ou bien yani ce genre de choses là. Fa halawat al-iman, ça va faire que cette personne là il va patienter sur le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que soit yani min al-qadar al-khair ou shar. Si c'est min al-khair, il va patienter et il va shakar Allah azza wa jalla, il va reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, il va être reconnaissant, il va le dépenser dans le sentier d'Allah. Et si jamais c'est min umur al-shar, il va patienter parce qu'il sait que tout cela c'est quoi? C'est que imtihan, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour voir s'il est patient ou pas. Donc si jamais quoi qu'il le touche, il va patienter. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est mabni ala ash al-mahabba. Parce qu'il aime Allah. Donc il sait qu'Allah azza wa jalla, il ne fait pas cela yani pour le nuire. Lakin c'est qu'une épreuve. Afin de voir si jamais cette personne-là a patiente ou pas. Donc, lui, quoi qu'il en soit, pour lui ça ne fait rien du tout. Al-mashaqqa ou pas, al-mashaqqa, la difficulté ou pas, pour lui c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout cela n'est qu'une épreuve. Tout cela n'est qu'une épreuve et c'est pas en effet dans un but de le nuire. Au contraire, c'est dans un but pour l'élever en daraja. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Hajaban li amr al-mu'min ». L'affaire du croyant est véritablement étonnante. « Inna amrahu kullahu lahu khair ». Toute son affaire, yani c'est que du bien pour lui. « In asabahu khairan shakara fa kana khairan lahu ». Si un bien le touche, il reconnaît Allah azza wa jalla, il le remercie et c'est un bien pour lui. « Wa in asabathu darra shakara asabara wa kana khairan lahu ». Et si une difficulté le touche, il patiente et c'est un bien pour lui. Donc son affaire allait bien, quoi qu'il en soit. Que ce soit dans la dureté ou bien dans la facilité. Il patiente. Pourquoi? Parce que tout cela n'est qu'une épreuve. Il connaît Allah Azza wa Jalla. Yuhibbuhu. Et Allah, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui patientent. Faqala al-Nabi sallam, inna Allah idha ahabba al-abd ibtala. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, il aime un de ses serviteurs, il l'éprouve. Qala faman radhiya falahu rida, celui qui a agréé cette épreuve-là, que Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé et qu'il a patienté dessus, qala falahu rida. Il aura l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Qala wa man sakhata falahu sakht. Et celui qui ne sera pas content, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas content. Donc, yani lorsqu'il lui arrive ce genre de difficulté, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si en vérité il a éprouvé, c'est qu'il aime. Donc yani ça le suffit pourquoi? Pour qu'il patiente. Parce qu'il sait que cette épreuve-là, en vérité, c'est pourquoi? L'élever en degré. Parce qu'Allah aime, yani élever en degré, c'est croyant. Yuridullahu bikum al-yusra. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous al-yusra. Pour lui, comme a dit l'ulama, al-baliya takun atiya. La difficulté pour lui, il la voit comme si jamais c'était un cadeau. Comme si Allah azza wa jalla lui donnait un cadeau, pourquoi? Pour qu'il patiente et pour qu'il s'élève en degré. Et chacun, selon sa foi, il sera éprouvé par rapport à la fermeté de sa foi. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-anbiya. Ceux qui sont le plus éprouvés, ce sont les anbiya. قال ثم الامثال في الامثال. Ensuite ceux qui sont semblables يعني وانبياء الصحابة والتابعين الى اخره. قال فان كان في دينه صلابة, lorsqu'il aura, s'il a une force dans sa religion, شد عليه البلاء, يعني il aura une grande épreuve parce qu'il a une grande foi. قال وان كان في دينه رقة, si jamais il a une faiblesse dans sa religion, قال فعلى حسب دينه, il sera éprouvé par rapport à la force de sa foi. نعم. فحلاوة الايمان c'est quoi? C'est تلذذ بطاعة. Le fait d'apprécier, d'adorer Allah Azza wa Jal. Le fait de patienter sur toute épreuve. Et كذلك هداية القلب. C'est que ton Allah Azza wa Jal, il guide ton cœur. Ça, كذلك من حلاوة الإيمان. Que Allah Azza wa Jal, يهدي قلبك. كما قال سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Et celui qui croit véritablement en Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala va guider son cœur. Donc à partir du moment que son cœur est guidé par Allah Azza wa Jal, on sait que le cœur c'est le pilier, yani chez le. Des membres yani d'al-insan, ils asaluha, si jamais Allah le guide, donc son cœur il est quoi? Il est bien. Donc izan saluha yani jasaduhu. Kazalika, ses membres vont être bien. Ça, c'est min thamarati halawat al-iman. Il y en a ces trois choses-là. Taladhuz bitta'a, en vérité, c'est hidayat al-qalb. Et hidayat al-qalb, il y en a la guidée des cœurs. Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend le fait de ne pas sentir sur la dureté. Et aussi, kazalika, d'être reconnaissant dans la facilité. Et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute simplicité et légèreté. Hadha huwa halawat al-iman. Qala wa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Le premier critère afin de trouver cette halawa, ce délice de la foi, cette saveur de la foi, c'est qu'il est demandé, et c'est un shart, une condition, que lorsque la personne que Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sont ceux qui sont les plus aimés auprès de lui. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Donc ça demande quoi? Que al-mahabba, elle est conditionnée. C'est une condition. Parce qu'il ne peut pas trouver halawat al-iman, la saveur de la foi, hidayat al-qulub, illa bihada. Que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète soient les plus aimés auprès de lui. Et lorsqu'on dit cela, c'est-à-dire que, yani bitahqiq, si jamais tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu as voué le plus grand amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu ne fais précéder aucune chose à l'agrément et à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'al'an, yani ba'dan nas, ils disent, nous nuhibbullah, comme on a pu voir, hein. L'affaire, c'est pas d'aimer la kine, c'est qu'Allah il t'aime. Et il y a des alamas qui montrent qu'en vérité, ta mahabba, il y a quoi? Il y a un daf. Si jamais elle est en face d'un péché, tu sais qu'Allah azawajal, il déteste cela. Donc toi, tu dois détester ce qu'Allah déteste. Et il aime pour toi que tu t'écartes de ce péché-là. Donc tu dois aimer ce qu'Allah azawajal, il aime pour toi. Donc de t'écarter de ce péché. Donc si jamais tu rentres dans ce péché-là, c'est qu'il y a un petit naqs dans le mahabba. Comme a dit al-Shafi'i, ta'sil ila. Il dit, tu désobéis Allah Azza wa Jalla et tu prétends l'aimer. C'est une chose qui est abominable. Si jamais véritablement ton amour était sincère, tu l'aurais obéi. Celui qui aime quelqu'un lui est obéissant. Maintenant, il y a des gens, lorsque c'est l'heure de la prière, ils vont au cinéma. Donc là, il fait précéder le cinéma à la mahabbatullah, l'an Allah Azza wa Jal, il aime compris les prières dans leurs horaires. Il aime compris les prières, ba'al jama'a. Il ne prie pas avec la jama'a. Il va au cinéma au lieu d'aller, il va au cinéma avant, ou il regarde un match de foot, ou bien ceci et cela. Tout ça montre que, il y a un axe dans cette mahabba. Ce n'est pas une mahabba qui shirkia, mais il y a un axe. Il y a un axe dans cette mahabba-là. Parce que là, il prétend que Allah Azza wa Jal est le plus aimé auprès de lui. Lakin, lors de l'épreuve, on voit qu'il fait précéder à l'amour d'Allah Azza wa Jalla certaines choses. Donc, il y a mahabbatullah, c'est pas bil-lisan. Mahabbatullah, c'est fil qalb. Lakin, si jamais véritablement c'est fil qalb, on va voir les athar. On va voir les fruits sur les ajawarih, sur les membres. Wa kadhaika rasuluhu, sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa yuhib al-mar, la yuhibuhu illa lillah. Et lorsque une personne aime un individu, il l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que son amour doit être. C'est un amour religieux. Cet amour-là qu'il doit avoir entre toi et une personne, c'est un amour religieux. Tu l'aimes parce que cette personne-là est conforme à l'agrément d'Allah Azza wa Jal. C'est un muwahhid, yusalli, yuti'u Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois l'aimer parce que Allah Azza wa Jal aime les muwahhid, aime les muti'un, aime l'ahlu salat. Donc tu dois l'aimer cette personne-là. Donc tu l'as aimé pour Allah et pour l'agrément d'Allah, pour la cause d'Allah. Ça, c'est le mahabba qui est demandé. Si jamais on aime une personne, yani pour des biens qui sont mondains, yani bid dunya, fa hadha sil mahabba ki naqisa, qui est batila, qui n'a pas de valeur. Bal yawm al qiyamah, cette mahabba là qui est pour dunya, que tu donnes à cette personne là pour dunya, elle va se transformer en adversité, en hostilité. Tam les biens aimés, ceux qui s'aimaient, yani fi dunya, yawm al qiyamah, ils seront ennemis. Illa al muttaqun, excepté ceux qui étaient sincères dans la mahabba, ceux qui se sont aimés par Allah Azza wa Jalla. فَالْمَحَبَّ لَا تَكُنْ إِلَّا لِلَّهِ. Tu dois l'aimer une personne parce que c'est un mu'min. À partir du moment où tu l'aimes pour une autre chose qu'un objectif religieux, cette mahabba-là, elle est naqisa. Cette mahabba-là, elle est naqisa. Amma, s'il l'aime pour la mécréance sur laquelle il est, ou bien sur le nifaq sur lequel il est, bah là c'est du khuruj min al-islam. C'est le mahabba qui shirkiya. C'est le mahabba qui shirkiya. قال وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. Et troisième critère, c'est que il faut qu'il trouve dans son cœur ce dégoût de revenir dans le jahiliya, ce dégoût de revenir dans al-kufr, kadhalika le dégoût de revenir dans quoi, dans la de faire le marsiya. Lakin, la plus grande des choses, c'est qu'il doit trouver dans son cœur le dégoût de la mécréance. Il doit détester la mécréance. Comme il déteste qu'on le jette dans le feu. Toute personne, lorsqu'on lui dit, est-ce que tu aimerais qu'on te jette dans le feu? Il va te dire non. Donc il va dire, le fait de faire de la mécréance, c'est la même chose. Donc si jamais tu n'aimes pas le feu, tu ne dois pas aimer la mécréance. Adahua. Yani, c'est une vérité. Celui vraiment qui a peur de l'enfer, il doit avoir peur des asbabs qui ramènent en enfer. Et parmi ceux-là, le plus grand des asbabs, c'est le kufr, al-nifaq, al-shirk. Ou kadhalika, d'autres asbabs qui ouvrent la porte, qui peuvent te mettre sur le chemin. Quel marsiya ? Qui est le péché. Le péché, kadhalika, ça amène petit à petit en enfer. Comme dit subhanahu wa ta'ala, « Wa man yaksi Allah wa rasoulahu, fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. » Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il aura le feu éternellement. Ils ont dit, le ulama, al-marsiya, la désobéissance ici, c'est voulu par c'est le shirk. Et certains ont dit, non, c'est toute désobéissance, parce que toute désobéissance, ça peut mener à la mécréance, à l'apostasie. Il ne faut pas qu'il ait de la négligence par rapport à un péché. Il se dit, c'est un petit péché. Comme a dit le hadith, un petit péché, avec un petit péché, ça fait un grand feu. C'est comme des petits bois, comme l'a évoqué Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme une personne, il y en a qui prend des petites branches, il dit, c'est rien. Et il amasse ses branches sur son dos, et à la fin, ça fait un grand feu. Ben, c'est pareil, c'est comme si jamais il avait allumé l'enfer sur lui. Enfin, les petites branches avec les petites branches, ça fait un grand feu, ça fait l'enfer. Si jamais il fait pas ça, si jamais il aime une chose comme il aime Allah Azza wa Jalla, c'est du shirk. ومن الناس ما يتخذ من دين الله من دون الله أندارا يحبهم كحب الله. وفي الحديث lorsqu'il a dit عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من الناس إلا مني. الحديث يعني بالمعنى. Il a dit عمر بن الخطاب tu es la personne que j'aime le plus en dehors de ma personne. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. Non, c'est pas ainsi que tu auras la foi. فقال الآن يا فقال عمر بن الخطاب فقال لا أنت أحب إلي من نفسي. Tu es plus aimé auprès de moi que ma personne. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. نعم الآن يعني maintenant يعني tu as compris ce qu'était la véritable foi. C'est d'aimer le prophète صلى الله عليه وسلم et Allah عز وجل que ce soit le plus aimé auprès de nous. نعم. هذا حديث عظيم جدا. قال رحمه الله قال دليل الانقياد. La soumission. قال ما دل عليه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال سبحانه وتعالى أنيبوا إلى ربكم. الإنابة c'est le fait de revenir à Allah سبحانه وتعالى بإصلاح العمل. C'est plus que la توبة. الاستغفار c'est le fait de dire je demande le pardon. Lakin cette demande de pardon là peut être faite yani sans qu'il ait une fermeté à délaisser ce péché là. Parce que la tawbah, c'est le fait de regretter d'avoir fait ce péché et d'avoir la forte yani, conviction de ne plus revenir sur ce péché-là. Et de délaisser ce péché-là. Amma l'istighfar, c'est le fait de dire, demander le pardon, bilisan. La tawbah, c'est plus grand que l'istighfar. Parce que c'est le fait d'avoir la conviction de ne plus revenir, être ferme sur cela et d'avoir délaissé le péché. La tawbah nasuha. Ou amma l'inabah, c'est beaucoup plus fort que l'istighfar ou kadhalika, mais la tawbah. Pourquoi? C'est la tawbah, c'est-à-dire d'avoir regretté, d'avoir la conviction, la fermeté de ne plus revenir sur cela et d'avoir délaissé ce péché-là. Et en plus de cela, il s'améliore. Il s'améliore. C'est-à-dire qu'il fait des œuvres, il y en a en plus. Celui qui avait l'habitude d'insulter les gens, il fait tawbah de ne plus revenir sur cela, il regrette ceci, cela. Et au contraire de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire des éloges sur les gens. Il avait l'habitude de les dénigrer, de les insulter. Et maintenant, tu vas le voir faire des éloges, de parler en bien sur les gens. Ça s'appelle inaba. Ça s'appelle inaba. C'est-à-dire que il tobe Allah Azza wa Jal et il s'améliore. فقال سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم والإنابة هنا بمعنى الرجوع بالتوحيد. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأسلموا هذا هو دليل الانقياد. أسلموا أي سومتيفو الله عز وجل بمعنى وأنيبوا إلى ربكم وانقادوا أي سومتيفو الله سبحانه وتعالى. فدل على إيش؟ أن الإنابة وأصل الإنابة التوحيد que la Bouddha met l'inqiyad. Il faut qu'il y ait quoi? Une soumission. Yani, par les membres. قال وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. Et qui est meilleur en religion que celui qui s'est soumis à Allah et qui fait partie des muhsin. يعني ومن أحسن دينا ممن أسلم. وهنا المراد بالإسلام أي الانقياد. Que celui qui s'est soumis à Allah عز وجل. Celui qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والإحسان هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Tu aimes Allah, tu adores Allah عز وجل comme si tu le voyais, si jamais tu n'arrives pas à atteindre يعني, ce degré-là, n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. يعني, il a l'ikhlas يعني, في العبادة والمراقبة, il sait qu'Allah عز وجل il le surveille. نعم. وقال قول سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال أي بلا إله إلا الله. Ça, c'est le meilleur des versets qui montre que l'inqiyad c'est une condition. قال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه لله. Et celui qui soumet son visage à Allah subhanahu wa ta'ala. قال وهو محسن أي وهو مراقب وهو خائف. فقد استمسك بالعروة الوثقى. Il s'est certes يعني agrippé à, je crois il traduit par lance, à lance la plus ferme, la lance la plus ferme. Lance la plus ferme c'est la ilaha illallah. Ça fait partie كذلك des synonymes de kalimat al-tawhid, kalimat la ilaha illallah, al-urwa al-wuthqa, kalimat al-haq, al-kalim al-tayyib ila akhirin min ila al-asma li la ilaha illallah. Dans cette ayah là Allah azza wa jalla a certes conditionné la soumission pour permettre à la personne de s'accrocher fermement à kalimat al-tawhid. Celui qui délaisse la soumission, il ne sera pas accroché à al-urwa al-wuthqa. قال وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك الله عز وجل يجور par lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. Il jure par lui-même, il jure par d'autres choses. أما نحن فلا نحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله. Celui qui jure doit jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Ou par une sifat min sifat Allah. كما قال شيطان قال بعزتك. Je jure par ta puissance. Non, on a le droit de jurer par une sifat, min sifat Allah azza wa jal. Ta kun bi kalam Allah. T'as droit de jurer par Allah et par une sifat, min sifatihi. Qala fala wa rabbika la yu'minun. Ils ne croiront pas. Yani ils n'auront pas la véritable foi. Ah, on a, c'est pas al murad bihi, c'est pas la khuruj min islam, c'est pas l'apostasie. Lakin ceux qui n'ont pas la véritable foi. Qala hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Jusqu'à ce que ils vont juger de ta sunna. Ils vont prendre la sunna comme quoi? Comme mahkama, comme palais de justice, si on peut dire cela. Et ils vont revenir vers la sunna pour s'auto-juger. Sur les disputes qu'ils auront entre eux. Après, ça dépend des justices. Ça dépend des disputes. Si jamais ils sont en train de débattre sur le kufr et la croyance, c'est clair et net que là, si jamais il prend le kufr et il ne revient pas à mahkama al-tawhid, bah là c'est la sortie de l'islam. Donc en vérité, fala wa rabbika la yu'minun, ça dépend fi ma shadara bainahum, ça dépend de la dispute, ça dépend du degré de la dispute. Mais ça donne des portes sur la mécréance, bah là c'est clair que si jamais il ne revient pas, il a mahkama al-tawhid wa sunnah, tamam, au tribunal du tawhid de la sunnah, bah donc là c'est clair et net qu'il va sortir de l'islam. Qala summa la yajidu fi anfusihim harajan. Et après avoir pris le jugement d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne trouvent pas dans leur cœur aucune gêne. C'est-à-dire qu'ils acceptent ce jugement-là sans aucun problème, sans aucune gêne. قَالَ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عَلَهُ وَشَاهِدٌ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et ils se soumettent entièrement à ce jugement-là, à ton jugement, ya Rasulallah. فَهَهُنَا بَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى que la véritable soumission, ou plutôt le véritable iman, la véritable foi, a passe pour avoir une véritable soumission. فلا وربك لا يؤمنون ثم قال في الأخير ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم. لا بد من la soumission بالإيمان بالله عز وجل. قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تابعا لما جئت به. وهذا الحديث حديث ضعيف. هذا الحديث ils ont évoqué que c'est un hadith ضعيف. لكن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه min walidihi wa waladihi wa an-nas ajma'in. La personne aura atteint la perfection de la foi que lorsque je serai plus aimé auprès de lui que son père, que ses enfants et de tous les gens. Naam. فممسي جميل السند اللي ضعيف لكن المعنى صحيح. فهنا قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا تبعا لما جئت به, c'est-à-dire qu'il se soumet au suivi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la véritable foi passe par quoi? Se soumettre à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur les choses dans lesquelles est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la perfection dans la soumission, et rayatuhu c'est l'objectif qui est voulu. قال ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ففي هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أدى القبول من شروط لا إله إلا الله. فإلى ذكر الله سبحانه وتعالى يعني لا حكمة et l'habitude des gens qu'Allah سبحانه وتعالى il n'a pas envoyé un avertisseur. ما وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير, on n'a pas envoyé un avertisseur dans n'importe quel يعني coin. إلا قال مترفوها, sans que مترفوها c'est-à-dire les riches يعني de ce pays-là, de cette contrée-là. إن وجدنا آباءنا على أمتين, on a trouvé nos ancêtres يعني على أمتين على ملتين, et sur une religion. C'est-à-dire qu'on fait du taqlid, du suivi aveugle. On ne prononcera pas yani kalimat tawhid parce que on n'a pas trouvé nos ancêtres avec cette chose-là. Qala wa inna ala atharihi muqtadun. Et on suit leur trace. Muqtadun, c'est-à-dire muttabi'un. Wal athar, c'est la trace. Et on suit leur trace. Qala awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum 'alayhi aba'akum. Yani est-ce que vous allez vous entêter dans la chose dont vous êtes, c'est-à-dire le taqlid ou le tahassub, même si jamais je viens avec une chose qui est meilleure que la chose sur laquelle étaient vos ancêtres. Qala inna bima ursiltum bihi kafirun. Ils ont répondu par quoi? On est mécréant. On n'acceptera pas yani la chose. Yani même si jamais quelqu'un te dit vos ancêtres ils étaient sur une chose. OK. Et toi tu dis mais moi je vais te montrer une chose qui est meilleure que la chose sur laquelle étaient tes parents. Est-ce que tu le veux? Bah toute personne va dire oui. Lakin haoula tellement qu'ils sont muta'assib. Ils ont dit quoi? On veut rien entendre. Inna bima ursiltum bihi kafirun. On est mécréant à ce que tu viens nous raconter et à ce que tu veux vers le chemin vers lequel tu veux nous guider. Fama qabilu. Ils n'ont pas accepté. Allah Azza wa Jal il a jugé que c'était des mukadhibin. Qala fantaqamna minhum, et on s'est vengé d'eux. Qala fanzur kayfa kana 'aqibatul mukadhibin. Et regarde comment est la fin, yani la triste fin de ceux qui démentent. De ceux qui démentent dans une ayah ukhra, celui qui dément une chose, Allah Azza wa Jalla l'a montré que c'est un kafir. Faqala subhanahu wa ta'ala, naham. Wa man adlamu mimman kadhaba 'ala Allah wa kadhaba bis-sidqi ja'ah. Alaysa fi jahannam mathwa lil-kafirin. Et qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala ou kadhaba bis-sidqi, ou qui rejette, tamam, as-sidq. As-sidq c'est quoi? Kitab Allah wa sunnah. Qala subhanahu wa ta'ala, alaysa fi jahannam mathwa lil-kafirin. N'est-ce pas que l'enfer est le refuge de ces kuffars là. Donc il a montré que celui qui ment yani sur Allah subhanahu wa ta'ala ou bien qui rejette la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir. Donc le fait de rejeter kalimat al-tawhid, c'est du kufr, il faut l'accepter. Qala wa qawluhu ta'ala innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina bi sha'rin majnun. Et lorsqu'on leur disait de dire la ilaha illallah yastakbirun, yani ils montraient de l'orgueil parce qu'ils avaient compris ça veut dire quoi la ilaha illallah, de laisser les divinités. وَيَقُولُونَ أَإِنَّ لَتَارِكُوا أَلِهَتِنَا لِشَعَرٍ مَجْنُونَ. Allons-nous délaisser nos divinités pour un poète qui est fou ou bien qui est possédé? Ils l'ont insulté. Ça s'appelle le tahkir. Ça s'appelle le tahkir, c'est-à-dire tu rejettes la vérité et en plus tu dénigres la personne qui vient avec la vérité. Ils ont rejoint entre deux marsiyah. فَهَوْلَا بَقُوا عَلَى الشِّرْكِ. Ils sont restés sur la mécréance. Ils n'ont pas accepté le tawhid. قَالَ وَمِنَ السُّنَّةِ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ وفي مسلم عن أبي هريرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيحان لا تمسك ماء لا تمسك الماء ولا تنبت كلاه. فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل ما لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم، هذا لدعني حديث دوسي أدلة حديث أبي موسى كيف في مسلم ومتفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليبكي هنا قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يعني الإكزامب de la guidée sur laquelle je suis venu et la science avec laquelle je suis venu et l'exemple يعني de الغيث الكثير، يعني de la pluie. La pluie que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم il a fait une comparaison entre la pluie et entre la révélation. Parce que la pluie lorsqu'elle tombe sur la terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala donne des naissances à la terre, des fruits et tout ça, et des légumes. La terre a vie, tamam. La terre a vie avec la pluie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala وجعلنا من الماء كل شيء حي. Et à partir de l'eau, on donne une existence. Kadalikash, al-wahy, la révélation, le kitab ou la sunna, lorsqu'il tombe dans le bon cœur, lorsque tombe dans le bon cœur, il tombe dans la bonne nuit, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va donner naissance et du khair à cette personne-là. Comme la pluie donne naissance et du khair à la terre. Qala kamathal ghayth al-kathir asaba ardan, qui a touché une terre. Fakana minha naqiyatan. Et cette terre-là, c'est une bonne terre. Naqiyatan, c'est une bonne terre qui accepte, je ne sais plus comment il dit ça, une terre fertile, je crois. Voilà. Une terre qui est fertile. Qala fakana minha naqiyatan. Une terre fertile qui accepte l'eau, qui boit l'eau et qui va donner naissance à du khair. Qala qabalat al-ma. Elle a conservé l'eau. Falmuhim, Nabi Sassam, il a dit que le cœur qui est fertile, il va mémoriser la religion. Il va mémoriser le kitab et la sunna. Comme la terre qui est fertile, qui va boire et absorber l'eau et qui va la conserver. Elle ne va pas partir. Elle va la conserver, yani sous les nappes. Qala fa'ambatat al-kala wal-ujb al-kathir. Et cette eau qu'elle a conservée, elle va donner naissance à du khair. Au-dessus de la terre, va apparaître yani du khair. Comme le wahy qui a été mémorisé, qui a été conservé dans le bon cœur, il va donner naissance quand il y a du khair. Il va apprendre aux gens, il va faire le amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. On va voir le khair qui va apparaître de ce cœur-là. Qala wa kanat minha ajadibu amsakat al-ma. Il y avait une autre terre aussi. Ce wahy-là, il a touché une terre qui est fertile, il a touché une autre terre. Qala ajadib. Ajadib, c'est jamhu al-jadb, je crois. Al-jadb. Yani c'est la terre qui conserve l'eau, lakin qui donne pas naissance à des fruits ou bien à des légumes, tu vois. Les certains ont dit c'est comme le sable. Dans le désert, il y a pas de plantation, il y a rien qui pousse. Yani ça garde l'eau, lakin ça rien n'est extrait de ces terres-là. Ils ont évoqué parmi ceux-là les terres dans lesquelles on trouve du sable. قال وكانت منها جاذب امسكت الماء لكن على دخيل. Pourquoi? Parce qu'elle garde l'eau. Donc il y a un peu d'eau au-dessus de la terre. Si jamais Ad-Dawab viennent, si jamais il y a des animaux, ils peuvent venir boire, tu vois. Ils profitent de cette terre-là. Pourquoi? Parce qu'elle conserve l'eau, elle en laisse un petit peu au-dessus de la terre. Qala fakanat minha jadibu amsakat al-ma fanafa'a Allah bihi an-nas fasharibu wa saqaw wa zara'u. Alhamdulillah, ils ont profité de cette eau-là, ils ont bu, ils ont donné cela à leur bétail et ils ont pris de cette eau-là pour faire des plantations. Fa intafa'u biha. Ils ont eu comme kadhalika khair. Qal asaba minha ta'ifatun. Wa qal asaba minha ta'ifatun ukhra, une autre terre. Qal inna ma hiya qi'an. On revient sur cette terre-là inchallah pour finir. La deuxième terre, yani c'est le cœur. C'est le cœur qui va mémoriser lakin qui n'a pas de fiqh fi l'islam. Il n'a pas une bonne compréhension, c'est-à-dire que lui, il va faire profiter les gens dans le sens où il va partager le hadith qu'il a mémorisé. Et il va partager kadhalika les ayats qu'il a mémorisés. Comme qui m'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, baliru an-nas, baliru anni wa lu aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Il y a des gens, comme la première terre, al-naqiyya, c'est celui qui a quoi? Qui a la mémorisation et qui a le fiqh fil islam. Ou la deuxième qui est ajadibu, ça c'est ceux qui ont que la mémorisation. Ils ont évoqué le ulama, mathalan, qui a Abu Hatim. Comme c'est pas quelqu'un qui est connu pour avoir du fiqh. Il n'a pas de kitab dans le fiqh, il n'a pas de point de vue dans le fiqh. Lakin c'était quelqu'un qui est quoi? Qui avait une grande mémorisation par rapport au hadith. Il a fait profiter les gens par rapport à la science du hadith. tamam. Que ce hadith-là est da'if, que ce hadith-là il n'est pas chez telle personne, ceci et cela. Tamam. Kathalika, ils évoquent Abu Zur'a. Tamam. Et ils évoquent Kathalika Abu Harayra, comme il a évoqué Ibn Hazm. Tamam. Abu Harayra, il n'a pas de tafsir, comme Ibn Abbas. Il n'a pas de point de vue, il y en a dans le fiqh, il y en a comme Ibn Abbas. Lakin, c'était quelqu'un qui avait une grande mémorisation du fiqh, lakin, pas à tel point que quoi qu'Ibn Abbas ou bien les autres sahaba qui font partie des fuqaha. Enfin, ils ont un khair, c'est-à-dire qu'ils transmettent la science qu'ils ont. Tamam. Comme nous l'a transmis Abu Harayra. Lakin, au niveau du fiqh, il y a un axe. Tamam. La première terre, c'est Ibn Abbas, on veut dire. La deuxième, c'est comme si c'était Abu Harayra. Qala wa la troisième, qala wa asab minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an. Al-qa', c'est celui qui a. C'est la terre qui est plate, amless, yani qui n'absorbe rien du tout, tam, et qui donne naissance à rien du tout. Tam, c'est une terre qui est bila fa'ida. C'est un trou, c'est une passoire. Tam. Qala, la tamsikul ma, wa la tumbitu kala. Ni elle absorbe l'eau, et ni kadalika donne naissance à des fruits, et la khiri, ou bien des légumes. Qala, fadalika mathalu man faqiha fi dinillahi, wa nafa'ahu Allahu bima ba'atha min bihi, fa'alima wa 'allama. Tel est l'exemple de celui qui a une compréhension dans le din. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait profiter de cette science-là. Il a appris et il a instruit, l'enseigné. قَالَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Et tel est l'exemple de celui qui n'accepte pas la guidée vers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala appelle. C'est-à-dire ce cœur-là, il n'accepte pas le wahyé. Comme la terre qui n'accepte pas la pluie. C'est-à-dire qu'on vient avec le kitab et la sunna, son cœur n'accepte pas. Donc il y a des cœurs qui sont fertiles, qui absorbent et qui sont fertiles, qui donnent naissance à du khir. Ça c'est le fuqaha. Et il y a ceux qui sont min ahli al-hidh. Alhamdulillah, yantafi'una. Ils ont un peu de fiqh, lakin c'est pas comme la première terre, les premiers cœurs. Et on a leur cœur, c'est la khairafi. Ils ont aucun khir, ils n'acceptent pas. Ils ont un cœur qui maqal subhanahu wa ta'ala. Lahum quloubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, lakin ces cœurs-là ne raisonnent pas et n'ont aucune compréhension. Donc là, ça montre que l'acceptation, al-qaboul, c'est une chose qui est quoi ? Demandée fidèle à l'islam, inshallah, tabarak wa ta'ala. On a un peu tardé, lakin c'était pour finir le fasl, inshallah, tabarak wa ta'ala. Et ça, c'est bil khulasa, inshallah, tabarak wa ta'ala. Ou sinon, il y a beaucoup de choses à dire. On as Allah azza wa jalla yanfa'ana wa iyyak bima sami'na, inshallah, tabarak wa ta'ala.